Pour ne pas être 13, d'Alphonse Karr. Eugène Milbert à Félix Duport, Lausanne. Après-demain, je serai à Genève, mon cher Félix. Je n'ai aucune raison de t'écrire cela puisque j'arriverai presque en même temps que ma lettre. Mais vois-tu, je suis si heureux que je ne puis plus longtemps contenir ma joie. Depuis 2 jours, j'en dis bien quelque chose au fauteuil, à la pendule et au chat de la maison, mais cela ne me suffit pas et je t'écris pour ne pas étouffer. Adieu donc à la belle maison et aux meubles somptueux de mon oncle Éloi. Adieu au beau fauteuil de velours rouge et au secrétaire d'acajou qui orne ma chambre. Adieu aux excellents dîners et aux vins de France. Dans 2 jours, j'aurai une petite chambre sur les toits, meublée d'un lit de sangle, de 2 chaises et d'une table. Je dînerai au cabaret. Mais je serai chez moi et je gagnerai ma vie. Mot bizarre, mais énergique. L'homme qui a fait Dieu à son image, l'homme qui se pare si libéralement de tant d'avantages, l'homme le roi de la nature, l'homme qui prétend que tout est à lui et que tout a été fait pour lui, l'homme pour boire, manger et dormir, pour remonter les ressorts de sa misérable machine, pour mettre un peu d'huile dans ses rouages, est forcé de vendre les 2/3 de sa vie à un autre homme plus riche que lui. Ainsi, l'homme dont je vais être le secrétaire a d'abord sa vie à lui tout entière, puis celle de tous les malheureux comme moi qui l'emploient. Il a, lui, chaque jour 36 heures et moi, je n'en ai que 8. Et je voyais tout le monde gagner sa vie et je me disais « Mais je vole donc la mienne. » Oh, maintenant, on ne fera plus rien pour moi qu'on ne me doive. Je rendrai service pour service. En mangeant, je ne serai l'obligé de personne. En dormant, je ne devrai de reconnaissance à personne. Je serai libre. Ah, Félix, tu ne comprends pas ce mot. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir passé toute sa vie chez un bienfaiteur. Un bienfaiteur. Je t'aurais bien vite dit ce qu'il vous donne, mais s'il fallait te dire tout ce qu'on lui donne. Ce repos dans ce lit qui est un bienfait, il faut le prendre, non quand j'ai envie de dormir, mais quand mon oncle a sommeil. Mes goûts, il faut les cacher. Mes pensées, il faut les renfermer. Mes opinions, il faut les soumettre. Ah, si tu savais tout ce qu'on fait de l'acheter pour un dîner, qu'on ne ferait pas pour des millions quand on dîne si bien pour 6 sous. Oh, pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas dit, en me laissant si jeune et si seul dans la vie, « Voilà une pioche, travaille à la terre, au lieu de me donner à cultiver l'héritage de mon oncle Éloi. » Mais grâce à Dieu, tout cela va finir. Je vais gagner ma vie. Voici comment cela est arrivé. Il est survenu l'autre jour un étranger chez mon oncle. Celui-ci, qui me traite toujours comme un enfant, lui dit « Le petit va vous mener voir la cathédrale. Tu connais Lausanne. Nous avons pris cette rue en escalier, couverte d'un toit, qui conduit à l'église. Il y a 1/4 d'heure à gravir. Puis quand on est en haut, on voit sur la porte qu'il fallait prendre en bas M. Bache, Marguillier et Teinturier qui a les clés. L'étranger, à la façon dont mon oncle me traite, m'avait pris sans doute pour un domestique. Hélas, il ne pouvait me prendre pour rien de pire qu'un pauvre diable élevé par charité comme je suis. L'étranger me dit d'aller chercher M. Bache. Un moment, j'ai envie de quitter l'étranger. Mon oncle, Lausanne, est de m'en aller à travers ces belles plaines vertes de la terre et ces belles plaines bleues du ciel, et de ne jamais revenir. J'allais cependant chercher M. Bache. Le teinturier n'avait pas alors le loisir d'être Marguillier et me donna les clés. Je remontais exténué. Le rustre qui m'avait attendu, assis sur la terrasse, trouva que j'avais été longtemps. Puis, sans me laisser un instant pour respirer, il m'obligea de lui servir de cornac à travers l'église et me fit les plus sottes questions sur chaque pierre et sur chaque morceau de bois. Je fus obligé de répondre bien des fois « je ne sais pas » et lui à chaque fois répliqua « c'est étonnant que vous ne sachiez pas ». Cela m'impatienta de telle sorte que je pris le parti de ne plus demeurer court et de lui faire une histoire en réponse à chacune de ses questions. Dieu sait ce que je lui contais alors. Quand nous arrivâmes à la tombe d'Harriet Koenig, femme de l'ambassadeur Strafford, je lui dis que c'était la propre femme de mon oncle Éloi, et je l'entraînais comme si je voulais éviter de renouveler un triste souvenir, et en réalité, pour échapper à la plus triste obligation de répondre à ses questions sur chacun des coups de ciseaux donnés par le statuaire. Malheureusement, à dîner, il crut devoir parler à mon oncle de la magnificence du tombeau d'albâtre qu'il avait fait élever à Madame Éloi Milbert. Le soir, mon oncle me fit une grande avanie et me dit « C'est bien, jouez votre reste. » Le lendemain matin, il me fallut subir un long récit de tout ce que j'avais fait de mal depuis mon enfance, sans oublier une assiette cassée il y a 10 ans, ni un pantalon déchiré il y en a 12. C'est sa manière de procéder. À chaque faute nouvelle, il me gronde à la fois de toutes celles que j'ai pu commettre dans toute ma vie. « À 3 ans, votre père vivait encore, vous avez volé des pommes. » À la liste de tous mes crimes succéda, comme toujours, celle de tous les bienfaits de mon oncle, et alors je sentis chacune des bouchées de pain que j'ai mangées chez lui me revenir entre les dents, amère et empoisonnée. « Tout ceci va finir, » me dit-il en terminant. « Vous partirez dans 3 jours pour Genève. Il y a là un gros négociant qui a besoin d'un secrétaire. Vous irez chez lui. » « Et je pars demain. Je dois passer par Montreux pour remettre une lettre à M. Gautreau. C'est à ce qu'il paraît à un ami de mon oncle que je ne connais pas. Ton ami, Eugène Milbert. » Eugène Milbert à Félix Duport, Montreux. Aussitôt que tu auras reçu cette lettre, tu iras de ta personne chez M. Launders, négociant, la maison derrière les bains de Berg, et tu lui diras que M. Eugène Milbert, ton serviteur et le sien, ne pourra arriver après lui que dans 4 ou 5 jours. Fais cette course avant de lire le reste de ma lettre. Je te suppose revenu de chez M. Saunders. Tu peux maintenant écouter mon histoire. Avant-hier, j'ai quitté Lausanne, ainsi que je te l'avais annoncé, avec 6 chemises, mon habit bleu, qui serait le plus vieux des habits, sans mon habit gris, une montre qui me vient de mon père et un peu d'argent que m'a donné mon oncle en m'embrassant. Tiens, Félix, en me quittant, il m'a donné une foule d'avis dont je n'ai pas entendu un mot. Car j'ai pris depuis longtemps l'habitude, quand je le vois prêt à gronder ou à conseiller, de choisir à l'avance un sujet de méditation susceptible de me distraire de plus ou moins de solennité de son exorde. Mais en me parlant de mon père, il a pleuré, puis il m'a dit « Vois-tu, Eugène, dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même. » Vrai, je l'ai trouvé tout à fait bon homme, et je n'ai pu reconnaître en lui le tyran qui a tourmenté ma jeunesse. Peut-être n'y a-t-il jamais eu entre nous qu'un quiproquo. Il est vieux, je suis jeune, chacun de nous prend à tort nos oppositions naturelles de sensations et d'idées pour une hostilité permanente. Rien ne rend tolérant comme le bonheur. J'étais si content de le quitter qu'il me semblait que j'aurais pu rester avec lui. Je suis arrivé vers 4 heures à Montreux. C'est un village qui, en venant de Lausanne, est à droite de la route qui côtoie le lac et à quelques centaines de pas de cette route. On y monte par un petit chemin hérissé de pierres. À l'auberge, j'appris qu'il ne passerait de voiture sur la route d'en bas que le lendemain, à la même heure. Je me brossais et j'allais chez M. Gautreau. On lut la lettre de mon oncle et on parut contrarié. « Comment il ne vient pas aujourd'hui ?» Pour la fête de Madame Gautreau, il l'avait si bien promis. Ce n'est vraiment pas bien, etc. Pour moi, on me reçut froidement. Monsieur est le neveu. Oui, monsieur. Ah, très bien. Et vous allez à Genève. Très bien. Il a fait bien chaud aujourd'hui. Je me levai, je saluai et sortis. J'allais commander mon dîner à l'auberge, puis me promener sur la terrasse de l'église. C'est le plus ravissant endroit que j'ai vu de ma vie. L'église, sans être tout à fait gothique, a tout le charme religieux de cet ordre d'architecture. Son clocher octogone se découpe à une grande élévation sur le fond vert d'une haute montagne. On entre sur la terrasse par une voûte de chèvrefeuille qui commence à fleurir. Des deux côtés de la porte principale sont 2 rosiers, un rose et un blanc. Entre les fenêtres à ogives s'élèvent des jasmins parsemant leur vert feuillage d'étoiles blanches parfumées. Des corcorus avec leurs petites roses de couleur orange, une vigne folle qui monte jusqu'au clocher et couvre de ses rameaux sombres une grande partie du bâtiment. Au-devant est une belle pelouse émaillée de boutons d'or et de petites marguerites blanches et de vergismeinnicht d'un azur pâle. Sur la pelouse s'élèvent des ébéniers avec leurs grappes de fleurs jaunes, des acacias qui ne sont pas encore en fleurs et des sorbiers dont la fleur est passée. La terrasse est entourée d'un parapet à hauteur d'appui qui cache tous les terrains qui vont en descendant jusqu'au lac, de sorte qu'elle semble sortir de l'eau. Un des angles de la terrasse est un berceau de cerisier où est placé un banc, sur lequel j'allais m'asseoir. Là, je vis le soleil descendre entre les sommets neigeux de 2 montagnes qui semblaient se croiser par leur base. il se couchait derrière un gros nuage du noir bleuâtre de l'encre. Le nuage avait une large frange d'or. Au-dessous s'élevait une vapeur orangée. Celle des deux montagnes, qui étaient le plus près de l'horizon, était grise. La plus près de moi était noire. L'intervalle qui séparait les sommets, en forme de cône renversée, était rempli de feu et de lumière. J'étais absorbé par ce spectacle et par le calme du lac lorsqu'on me frappa sur l'épaule. Mon interrupteur n'était autre que M. Gautreau. « Parbleu, me dit-il, voilà assez longtemps que je vous cherche. On m'a dit à votre auberge que vous étiez allé vous promener, et je me suis mis à votre poursuite sur ce renseignement, plus qu'incertain. Il faut absolument que vous veniez dîner avec nous. » Je fus fort étonné de cette invitation, qu'on aurait pu me faire plus poliment 2 heures plus tôt, et je répondis que j'avais dîné. « Non pas, me dit M. Gautreau, car j'ai fait ôter de la broche à l'auberge un poulet qu'on y avait mis pour vous. J'ai promis à Mme Gautreau de vous amener, et vous viendrez. » Je fis encore quelques façons, et je me mis en devoir de suivre M. Gautreau. « Ah ça, me dit-il comme nous passions devant l'auberge, il faut aller vous habiller, nous avons du monde, mais songez que vous n'avez que 10 minutes, je vais vous annoncer. » Je montai à ma chambre, fort tourmenté. M'habiller, comme ces gens-là y vont. M'habiller? J'avais mis pour porter la lettre mon habit bleu, que je considérais comme le meilleur. Mon habit gris était dans ma malle, et depuis longtemps je ne le regardais plus. Je l'en tirai machinalement. Je ne sais si les habits reprennent du lustre par leur peau, ou si mon habit bleu avait perdu, sans que je m'en fusse aperçu, l'air cossu qui m'avait fait rejeter l'autre pour lui, mais mon habit gris me parut non seulement infiniment meilleur que je ne m'y attendais, mais encore de beaucoup mieux conservé que le bleu. Je le mis donc et retournai chez M. Gautreau. Il y avait beaucoup de monde chez M. Gautreau. On fit peu attention à moi. Mme Gautreau répondit par une révérence à un compliment que je lui fis et dit « On n'attend plus que M. Regnault. » On l'attendit une demi-heure, puis un domestique apporta une lettre par laquelle le dit M. Regnault s'excusait de ne pas venir. Sa femme était malade. « Ah, mon Dieu !» s'écria Mme Gautreau. « Comment faire ?» Je ne compris pas bien cette interjection. Il me paraissait n'y avoir à faire qu'une chose très simple, c'est-à-dire de dîner sans M. Regnault. M. Gautreau suivit sa femme dans une embrasure de la fenêtre, et là ils eurent à voix basse une conversation animée, dans laquelle je ne tardais pas à m'apercevoir que j'étais pour quelque chose. Cela m'embarrassa, et je commençai à regretter fort le poulet que j'avais laissé à l'auberge. À ce moment, une jeune fille traversa la salle et vint parler bas à Mme Gautreau. C'était cette belle jeune fille dont je t'ai parlé il y a un an, que j'avais vue à la cathédrale de Lausanne, et dont la vue m'avait si fort troublé. Que j'avais revu ensuite, pendant un mois, presque tous les jours, au Signal, sur cette plateforme de laquelle on voit sous ses pieds la ville avec ses tuiles rouges. Un jour, je l'avais aidée à descendre une côte rapide et glissante, car elle n'était accompagnée que de gens âgés, qui ne pouvaient la secourir en cette circonstance. Depuis, je la saluais en la voyant, et je lui adressais quelques mots. Puis elle était partie, et je ne l'avais plus revue que dans mes rêves. C'était elle, avec ses grands yeux bleus, sa taille svelte, son col flexible, sa démarche gracieuse et aisée. On la mit entière dans la conversation qui se tenait dans l'embrasure de la fenêtre. Je ne tardais pas à l'entendre rire en disant « Allons, ma mère, tranquillisez-vous, je me charge de cela. » Elle disparut quelques instants, puis rentra et, traversant le salon, vint droit à moi. « Monsieur, voulez-vous m'accorder un entretien de quelques instants ?» Je m'étais levé à son approche, elle me fit signe de m'asseoir et prit un fauteuil à côté du mien. « Voici, monsieur, de quoi il s'agit. Ma mère ne peut se faire à l'idée d'un dîner où l'on se trouverait 13 à table. Monsieur votre oncle devait compléter le nombre de 14 avec ces autres jeunes gens que vous voyez. » Et d'un coup d'œil malicieux, elle me fit remarquer que pas un des convives n'avait moins de 50 ans. « Il n'est pas venu et nous nous sommes trouvés réduits à 13. » C'est pour cela seul qu'on a été vous chercher. Vous n'êtes pas ici comme jeune homme, on n'en reçoit pas dans la maison. Comme homme aimable, on n'a pas encore pu en juger, mais bien comme 14e. Voici maintenant que M. Regnault ne vient pas. De 14e que vous étiez, et comme tel digne de tous les égards, vous êtes retombé à l'état de 13e, et en conséquence à l'état de mauvais présage, d'araignée rencontrée le matin ou de corneille vue à gauche. Il a d'abord été question de vous renvoyer par un moyen adroit, mais on n'a pas trouvé de moyen adroit. Mademoiselle, dis-je assez bêtement, je suis prêt à me retirer. Votre réponse a tellement peu le sens commun, me dit-elle avec un léger mouvement d'impatience, que j'ai presque envie de vous laisser partir. On a abandonné ce projet, mais on lui fait succéder celui de me faire dîner dans ma chambre. J'ai montré moins de résignation que vous et j'ai demandé à ma mère la permission de faire mettre auprès de la grande table une petite table où nous dînerons, vous et moi, comme les deux plus jeunes. Si toutefois ce projet n'a rien qui choque votre susceptibilité, par ce moyen ils ne seront que 11 et éviteront, sinon le danger, du moins la peur de mourir dans l'année. » Elle me quitta sans attendre ma réponse et alla dire à sa mère que j'acceptais. Madame Gautreau, rassurée, vint à moi et me dit « Ma fille, vous avouez ma faiblesse, monsieur. Je suis bien reconnaissante de votre obligeance de ne pas trop vous moquer de moi. »« Messieurs, » dit-elle en se tournant vers ses autres invités, « Monsieur Rignoux ne vient pas, nous allons dîner. Monsieur Morel, donnez-moi le bras. » On passa dans la salle à manger. On avait dressé notre petite table. Madame Gautreau se chargea de l'explication. Fanny, quoiqu'elle m'eût parlé un peu plus familièrement qu'on ne fait un homme qu'on n'a jamais vu, n'avait cependant fait aucune allusion à notre rencontre à Lausanne. Vers le milieu du dîner, on commença à causer bruyamment. Alors seulement j'osai lui dire « Vous rappelez-vous, mademoiselle, Lausanne et sa cathédrale, et le Signal, et la maison de Forestier, et ses colonnes de bois sous les acacias en fleurs ?»« Oui, » dit-elle, « et aussi le lac qu'on voit sous ses pieds, borné par des montagnes au sommet neigeux. » Le lac d'un bleu foncé à l'ombre et blanc comme un miroir sous les rayons ardents du soleil. Et, dis-je, les beaux platanes au-dessus des bancs du Signal et les forêts vertes pleines de violettes et de fraises. Oui, dit-elle, et plus que cela, les riantes et libres pensées qui s'exhalaient de toutes ces choses. Pensées, ajouta-t-elle tout bas, comme se parlant elle-même, qui se sont fanées avec les violettes et qui n'ont pas refleuri avec elles et ne refleuriront plus. Elle resta alors comme absorbée, et son visage fut longtemps sans reprendre son habituelle expression de malice. Nous fûmes quelque temps sans parler. On se leva de table, et de la soirée je ne me trouvais plus auprès de Fanny. Le soir, Madame Gautreau me demanda quand je partais. Je répondis, presque sans savoir pourquoi ni comment, que j'attendais une lettre de mon oncle. « Eh bien, me dit-elle, si vous voulez demain entendre une messe avec la musique, nous vous donnerons une place dans notre banc. Tu comprends, mon cher Félix, que je ne puis partir sans faire une impolitesse à cette bonne femme, et d'ailleurs, on m'a beaucoup parlé de l'orgue de Montreux. Adieu, tout à toi, Eugène Milbert.